Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, j'en le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot, on part tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Baby, je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris. Mes yeux dans tes applis, baby. Je ne sais plus vivre sans toi à mes côtés. Oh, je suis prêt. Bonjour à Bonjour. Tous. Bonjour. Voilà, alors ça c'est Christopher qui se mouche. Pardon. Donc je reprends. Bonjour à tous, nous sommes à Radio Game of Thrones sur le 107.fm pour une nouvelle émission. Des Jones. Bien Nicolas, des Jones. Alors, avant de commencer toute chose, on va dire que Régine est absente aujourd'hui, Zinedine est absente. Donc nous sommes en petit comité. On est quatre. Hein. Donc on va essayer de... Faut être sage avec Corinne. Voilà, de respecter la parole des autres. D'accord ? Ok ? Je vais parler papa, moi. Pas toi, ni. Tu parleras de papa plus tout tard. À l'heure, ok ? À midi. À midi ? Non, ma musique. Oui, tu as une musique, oui, Gabriel. Il brille, cette musique-là. Donc la dernière chanson mystère ? Atani. C'était qui ? Nini Camille. Hein. C'était qui ? Gabriel. Non, c'était toi qui l'avais choisi. Mais je me souviens plus de moi. Gabriel, c'était Blanche-Neige. Oh, Blanche-Neige, oh, c'était. Oh, alors, on ne mettrait pas ça, j'espère. Hein. Et c'était pas la chanson mystère, Blanche-Neige. Hein. Alors, c'était la tienne. Oui. Je sais plus c'était laquelle, moi. J'ai même plus. Magic System. Ah, oui. Ah oui. Ah oui, la mémoire revient. Magic System. Alors, non, aujourd'hui. Un musée Tatani. Regarde, parlez fort. Aujourd'hui, il y en a une nouvelle qui a été choisie encore par Christopher. Donc, chut, et on écoute. Soit tu viens, soit tu t'ailles. On va pas parler taille. Y'a des chèques et de la moulin. Elles sont enfoirés, tu me reconnais, je les connais, ils me connaissent les Gaulois. Les bouteilles de collal, violent comme Conan, Myriam ou Morgane. Je l'ai chargé en mégane, je repars en bécane. J'ai pris la russe et j'ai viré la gitane. Jamais en pagane, toujours en bénéf. Deux heures après, on retourne la capitale. Bébé, s'te plaît, reviens pas. De toute façon, j'ai déjà benda. Ça y est, tu reconnois. C'est le Cheg et la moula. La roula, les oula. Bébé, non, ne les écoute pas. Je les baisais, je suis coupable. Introuvable comme Sosa. Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non. Voilà, donc c'était la chanson mystère choisie par Christopher. Donc on verra s'il y a des appels. Mais par contre, les auditeurs peuvent appeler au 06. Oh là, 03. 07, je veux dire. 03. 03. Ah. Vas-y, Nicolas. 03, 29. Oui. 40. Voilà, on va répéter parce que ceux qui écoutent, à mon avis, ils s'en mêlent les crayons. Hein. Alors. 03, 29, oui. 40. Non. 62. 40. Encore une fois. 40. Au début. 03, 29. Oui. 29. Oui. 62. 40. Bien, Nicolas. Voilà, ouf. On y est arrivé. Bon, tout le monde va bien ? Oui. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas trop de bruit, on voit qu'on est en faible comité. Hein. Alors, quand on a préparé lundi, il faut dire qu'on n'a pas eu beaucoup plein de temps d'infos. Hein, lundi pour préparer. Hein. Donc, qu'on nous pardonne si aujourd'hui, on n'est pas trop... Un papa, moi. Oui, tout à l'heure. Alors, pour l'instant, on va parler des infos. Il y en avait quelques-unes. Quoi. Alors, Christopher, vas-y. Oui, oui, Marion. Non, rien, c'est moi, allez-y. Oui, vas-y, Christopher. Oui, en fait, alors, qu'est-ce que tu nous as dit? J'arrive pas, du coup. Les Français sont à venir l'avion. Par un avion à cause d'un coronavirus. Coronavirus. Bon, maintenant que vous avez relu, est-ce que tu peux dire à voix haute? Alors. Les Français sont revenus en France par avion à cause du coronavirus. Voilà. Alors, des Français sont rentrés en France à cause du coronavirus. Mais alors, ils étaient où ? En Chine. Ils étaient en Chine. Mais alors, qu'est-ce qui se passe en Chine ? Coronavirus. Oui, il y a un coronavirus. Et alors ? Il y a plein de gens qui meurent. T'en parles dans le micro, Christophe. Il y a plein de gens qui meurent. Il y a plein de gens qui meurent. Oui, c'est vrai que le nombre tous les jours augmente. Et on en a combien ? 300. Oh, plus que ça ? 1000. D'ailleurs, Christophe. 400. Un peu plus de 400. Hein. 900. J'ai entendu 490, un truc comme ça ce matin. Je n'ai pas trop fait attention. 900. Mais voilà, tous les jours, il y en a un peu ils plus. Meurent. Donc ça veut dire que. Ils meurent tous. Le virus n'est encore pas. Fini. Il est battu. Comment ? Pas battu. Il n'est pas battu. Ils se battent contre le virus. Ouais. Éradiqué, oui. Donc, alors, Nicolas, il avait parlé d'un truc intéressant. L'hôpital. Voilà, vas-y, Nicolas. L'hôpital, il l'a construit hein, aussi. Voilà. Là, il est fini. Voilà, ils avaient fait le pari. Après, l'hôpital, il est ouvert. Un hôpital en quelques jours. Après, l'hôpital, il est ouvert lundi. Là, il est ouvert, oui. Ils peuvent accueillir 1000. Bien, 1000 personnes. 1000 personnes. Ça fait du monde, hein. Et puis, alors, l'hôpital, il s'est construit avec quoi ? Des pelleteuses. Les pelleteuses. Ils ont creusé les trous avant. Voilà. Alors, les pelleteuses et tout ça, c'était pour faire les fondations. Ouais. Le après, béton. Après, ils ont coulé du béton, ouais. Après, ils ont mis les trucs en ferraille. Pour couler le béton ? Non, mettre la ferraille dedans. Non, dans le béton. Oui, bah, oh, c'est mou. Oui, c'est ce que je te dis, oui. Alors ça, c'est les fondations. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis sur les fondations? Est-ce qu'ils ont bâti des murs? Non. Il y a un toit sur l'hôpital? Oui. Non. Non. Alors, c'est un saut qu'on y va plus voir. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont amené, là? Des blocs. Des vitres. Des vitres. Des blocs. Des blocs en béton. Non, c'est des genre Algeco, on peut parler de ça, je pense. Hein. Algeco, c'est un peu ça. Mais alors, plein, hein, d'Algeco. Les uns à côté des autres, avec des allées à droite, à gauche. Voilà ce que c'est que l'hôpital. Parce que construire des murs, je pense qu'il aurait fallu beaucoup plus de temps. Donc, en tout cas, l'hôpital... On a fini. Et ça roule, ça marche. Il y a du monde dedans. Ils ont accueilli les premiers patients début de semaine. Hein. Voilà, alors, le coronavirus. Donc, il y a des Français qui sont rentrés en France par avion. Mais ils sont où? Dans un hôtel. Ah non. À l'hôpital. Non, pas l'hôpital, c'est un centre aéré. Alors toi, tu disais, oh, la chance. Mais un centre. Ils sont en vacances. Ou ils sont fermés, là. Je crois pas que c'est une chance, Christophe. Dans une salle. Ils sont dans un centre de vacances. Cool, hein, conquis, hein. Ou ils sont enfermés. La piscine. Ta masque, c'est pas beaucoup, hein. Est-ce que tu aimerais, toi, même si c'est un centre de vacances, être enfermé quelque part dans ce centre pendant 15 jours? Non. C'est pas des vacances, ça. Ils ont plein de trucs pour s'amuser, hein. Ils ont même une place privée, hein. Une place privée? Non, une plage. La plage privée? Ouais. Oui, mais ils sont quand même tous ensemble, là, confinés. C'est quand même pas drôle. Ou peut-être ils peuvent trouver l'amour aussi, hein. Ils peuvent trouver l'amour. 15 jours enfermés, hein, ils peuvent trouver l'amour, hein. Oui, ben c'est sûr, oui, c'est aussi... Ah, peut-être des couples qui vont se former, c'est possible. Hein. Il y a des couples qui vont se former. Ouais, ben oui. Oui, mais en attendant, ils doivent quand même avoir peur, non? Ils doivent avoir peur, ces gens-là, non? Oui. Ils rentrent de là-bas et se disent, bon, espérer que pendant les 15 jours... Mais pas qu'ils meurent. Non, que ça se passe bien et puis qu'il n'y ait pas le virus qui se révèle chez l'un ou l'autre. Sinon, après, c'est... Ils se retrouvent où? Mort. L'hôpital. Enterré. À l'isolement. L'isolement. Puis alors là, c'est dans une pièce. Hein. Enterré. Enterré. Ben non, ils vont peut-être pas les enterrer tout de suite. T'es rapide, toi, quand même. Hein. Au cimetière. On est malade, ça y est. C'est enterré. Au cimetière. Pour ça, il faut être mort. Donc, le corona. Alors, est-ce qu'on en parle aussi ailleurs? Aux infos. Oui, bah oui, on en parle aux infos, mais est-ce qu'il y a d'autres pays, d'autres endroits? En Australie, il y a aussi un virus. États-Unis. États-Unis. Australie. Australie, c'est un autre virus. C'est pas pareil. Australie, ils ont un autre virus? Oui, ils ont un virus. Alors, moi, je vais demander... Mais attends, j'ai entendu ça. Là, s'ils ont entendu parler de ça, qu'en Australie, ils ont un autre virus. Non. Bon. J'avais vu ça. Non. Peut-être l'année dernière. Non, j'avais entendu ça à la radio. Ah. Non, mais... Un virus. Il me semble que c'est le même virus, justement. Le même? Je crois. Il faudra que tu me donnes le nom de ta radio, Nicolas, parce que... France Inter. On donne pas de nom à la radio. Pas de pub. Hein. Gabriel, t'es où, là? Il est même par terre. Touche tes pieds. Non, il remet sa chaussure. Donc, le virus, il est aussi dans d'autres pays. En France. Hein? À Hong Kong. Très peu, quand même. Hein? Mais bon. En France, il n'y a que 6 cas en France. Oui, oui. Mais les gens, ils sont isolés, tout, ils sont soignés. Donc, voilà, pour l'instant... Ils boivent des cocktails. Alors, je voulais vous demander, quand même, est-ce que vous avez peur? Non. Non. Oui. Toi, tu as peur. D'avoir le virus. Hein. Mais là, il faut que tu sois en contact avec un malade qui l'a. Oui. Et puis alors, comment on peut le contracter? Si tu restes avec la personne plusieurs jours. Si tu restes avec la personne plusieurs jours, il n'y a pas besoin de rester plusieurs jours. Hein. Ouais, ça arrive tout de suite en plus. Faut mettre des masques, mettre des trucs. Hein. Il faut déjà être proche de la personne. Par exemple, comme vous faites, vous, à certains moments, là, que vous venez nous parler, là, que vous êtes là. C'est sûr que les postillons et tout, ça n'aide pas. Hein, hein. Et puis? Et puis? Qu'est-ce que vous feriez? Mettre des masques. Les masques, ouais. Les masques qu'on a à l'IME. Il n'y a pas de masque à l'IME. Si, on a des masques blancs. Où ça? Quand on avait utilisé une fois. Oui, mais là, on s'en sert pas. Non. On n'en est pas là. Mais voilà, on parle du coronavirus, mais en attendant, qu'est-ce qu'il y a aussi d'autre en France, là, qui fait aussi des morts? Un tontin? Non. En virus. À Marseille? À Marseille? Qu'est-ce qu'il y a à Marseille? Un rien. Tu me dis qu'est-ce qui fait des morts? Ben oui. Les maladies. On parle beaucoup du coronavirus, mais... La grippe? Ben oui, la grippe. La grippe, elle fait plus de morts, là, ces dernières années, que le coronavirus en a fait jusque-là. La grippe peut être très mauvaise, surtout pour les personnes fragiles. Hein. Les nourrissons, les personnes âgées. Oui. Mais bon, voilà, ça peut toucher tout le monde. Donc, si vous avez un début de grippe... Moi, j'ai pas la grippe. Ouh. Moi, je l'ai pas. Moi, je l'ai pas. Hein, soignez-vous tout de suite. Ah, avant qu'on meure. Doucement. La mort, toi, ça revient souvent quand même, hein, Nicolas. Et puis en plus, avec le sourire, je vois pas ce qu'il y a de rigolo, mais bon. Bref. Il voit quelqu'un mourir, il rit de pétonnerie. C'est bon pour le coronavirus? Oui. Camille, tu voulais dire quelque chose? Quoi? Voilà, Camille nous a quittés. Elle était difficile, Jésus. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Une info? Par rapport au coronavirus? Non. Non. Gabriel, est-ce que tu as entendu parler du coronavirus? Non. Non, tu sais pas ce que c'est? Non. Musique. Musique. C'est de la musique. Mais seulement, coronavirus. C'est ça. Corinne. Bon, allez, oui. Attends, j'ai des infos. Ils essaient de faire un vaccin contre le coronavirus, j'ai vu ça sur la 15. Oui, bien sûr, qu'ils sont dans la recherche. Et dans tous les pays, c'est international. Ils essayent d'isoler les personnes. Ben oui. Après, ce qu'ils disent aussi aux infos, que même s'ils arrivent à trouver le remède, il faudra aussi du temps pour qu'il y ait les médicaments sur le marché. Donc, en attendant... Faites attention. Voilà, on va dire que... l'épidémie peut prendre des proportions. Voilà, bon, on va arrêter là-dessus parce que on va ressortir avec la peur au ventre. Alors ensuite, les infos, qui avait autre chose? Nia. Camille. Les Gilets jaunes ont manifesté hier. Alors ça, tu nous as dit ça lundi, donc c'était dimanche. Dimanche, ils ont manifesté, c'est ça? Oui. C'était pas plutôt le samedi? Oui, c'est le samedi. Ouh, Camille, samedi. On est là. Camille, samedi. On n'est pas là, okay. Où? Est-ce que tu sais c'était où? Non. À non, Paris. Je sais pas. Paris. Et puis alors, tu nous avais dit quoi? Que ils se sont fait arrêter les personnes. Voilà, qu'il y avait eu plusieurs personnes qui s'étaient fait arrêter. Par la police. Alors pourquoi ils se sont fait arrêter? Dans les manifestations, souvent, qu'est-ce qui se passe? Casseurs. Back block. Du coup, non, ils balançaient des côtés de Molotov. Souvent dans les manifestations, il y en a qui ont des comportements un peu déviants. Et forcément, les gendarmes et tout ça, ils sont obligés de protéger quand même le public, les personnes, et même les manifestants eux-mêmes. Donc là, il y en a eu quelques-uns des arrêtés, sûrement parce que... ils allaient un peu trop loin. C'est ça, Camille? Oui. Bien, Camille. Nicolas. Quel était... À Londres. Ah, alors qu'est-ce qui s'est passé? Un attentat. Vas-y, raconte, Nicolas. Il y a un attentat à Londres. Alors, essaye de parler doucement, parce que... voilà. Alors, Nicolas, vas-y. Il y a eu un attentat à Londres. À Londres. Voilà. Agression. Une agression. Oui. Et puis. Alors, attentat, agression, Londres, ça s'arrête là. Ils ont. Quand ils donnent les infos, là, quand vous regardez la télévision, la personne là, qui donne les infos, est-ce qu'elle dit. Est-ce qu'elle donne seulement des mots-clés quand elle annonce les infos ? Attentat, Londres. Non, là, terminé, on passe à la prochaine. À Londres, il y a un attentat. À Londres, il y a eu un attentat. Et alors ? Avec une personne qui a agressé. Oui ? Oui, s'il y a une personne qui a agressé. Mais elle n'est pas morte, la victime. La victime n'est pas morte ? Je sais pas si elle est morte. Hein. Alors, c'était une attaque à quoi ? Terroriste. Mais à quoi ? Comme un couteau. Bien, Nicolas. Est-ce que les autres, vous l'avez entendu ? Oui. Bonne nuit, Camille. Vous oui, l'aimeriez ? Christopher, tu as entendu ? Oui, oui, oui. Okay. Alors, est-ce que tu confirmes ce que Nicolas a dit ? Oui. Il a tout juste. Oui. Bon, on continue. D'ailleurs, en ce moment, en parlant d'attentats, qu'est-ce qu'on entend à la télévision ? Il reparle beaucoup de quoi ? L'Angleterre. Le Brexit. Attentat au collège. Au collège. dans l'attentat qui avait eu lieu à Paris. Ils en parlent beaucoup. Profiteur de la police. Le mec là qui avait tué 4 personnes. Non, là. Non, il reparle de... 2015. Charlie. Hebdo. De l'attentat à Charlie. Ouais. Non, vous avez pas entendu. Non. Non. Hein. Non. Pourtant, non. On entend pas mal. Alors ensuite, continuez avec vos infos. Moi j'ai fini moi. C'était Camille. Adresse-toi Camille qu'on t'entende. Elle s'endort. Shakira a donné un concert aux États-Unis. Oui. Alors pourquoi ? Et puis je crois qu'elles étaient deux, non ? Il n'y avait pas que elle. Hein, c'était qui l'autre ? Jennifer Lopez. Voilà. J'ai vu une brève image là. Ah oui, à la télé. C'est pour le rugby. Ah, presque. Le football. Bah, c'est entre les deux. Le football et le rugby. Oui, c'est entre du foot et du rugby. Faisais du rugby, jouais au foot. Non. On l'avait dit. Mais non, c'est bizarre. Le foot c'est avant, puis le rugby c'est après. Camille, comment ça s'appelle ? Non, c'est, en fait, c'est un mix des deux. Hein ? C'est le football américain. Ah, donc, le Super Bowl. Je crois que j'avais vu ça, je crois. Football, là, il était un ballon dans la main. Voilà, c'était pas mes samedis. C'est le rugby, ça. C'est à mi-chemin. Ouais, il faut demander à Camille. Hein. C'était samedi, hein, Marion. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Ah, dimanche à lundi. Oh. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un a vu un petit peu. Je crois que j'ai vu ça samedi. Il était passé sur là, mais j'ai pas regardé. T'as pas regardé ? J'avais vu ça aussi samedi. Elle a pas parlé français, hein. J'avais vu ça samedi. C'était en pleine nuit. C'était la nuit, c'est dit Marion. Ah oui, c'était la nuit, c'était à 21h. Non, c'était à minuit. Mais non, sur la reine, il disait 21h. Non, minuit. Alors, c'était qui contre qui, Marion ? Les Chiefs de Kansas contre les 49ers de San Francisco. Et qui a gagné ? Kansas City, 31-20. Ouh. 31-20. On est mal. Non, mais la France, elle jouait pas. Hein. Ah, ouf. Qu'est-ce que tu dis ? Heureusement, c'était pas nous. Hein. Pourquoi ? On s'est pris une raclée. Bon, d'ailleurs, en France, il y a eu des matchs, là. Oui. C'était quoi ? Ah, bah, au rugby, on a gagné. Hein. Bah, oui. On a battu les Anglais. Et hop. Est-ce que vous avez regardé ça ? Non. Non, c'est pas c'était sur la combien ? Non. Sur la une. Non, la deux. Oh. Ouais, on n'a jamais la deux. Hein. Moi non plus. Donc les Français ont gagné. C'est bien, non ? Et puis alors les Anglais, en parlant des Anglais, là... Brexit ! Bien, qu'est-ce qui s'est passé récemment ? T'as sorti des sous européennes. Bien, Christopher, mais parle moins vite qu'on comprenne. Alors donc, ils sont sortis de... L'Union européenne. Voilà. Alors ça implique quoi, ça ? Le commercial, tout ça. Commercial, oui. Mmh. Oui. Et surtout, au niveau commerce, qu'est-ce qui va être... Les bateaux, les pêches. La pêche, bah oui. Hein. Parce que les Français, ils pêchaient pas mal dans les zones anglaises. Et là, maintenant que les Anglais, ils ont repris leur indépendance, il va falloir négocier. Ils peuvent y aller maintenant. Qui ? Il faudra payer. Des bateaux. Les Anglais, ils ont repris tout leur territoire de pêche. Il faudra payer. 1000 euros pour bateau. Alors, les Français, ils sont embêtés parce qu'ils ont moins de territoire où aller pêcher. Et en même temps, les Anglais, ils sont embêtés parce qu'ils exportent pas mal leurs poissons en France. À l'Union européenne. Donc, il va falloir qu'ils négocient. Comment ils vont s'y retrouver ? Mmh. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, que l'Angleterre ait repris son indépendance ? C'est pas bien. C'est bien. Toi, tu dis que c'est pas bien. Alors, non, mais... Vas-y, pourquoi, Nicolas ? Pourquoi c'est pas bien ? Pour les bateaux français qui veulent pêcher là, les eaux en Angleterre, là. Pour la pêche, toi, tu dis que c'est pas bien. Ouais. Et toi, tu dis que c'est bien, pourquoi, alors ? Ouais, c'est bien qu'ils prennent leur indépendance. Ils sont à pays libre, maintenant. Ils sont libres. C'est comme si la France avait quitté l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que ça ferait ? La France est quittée de l'Union européenne ? Oui. Elle reste sans les billets de banque ? Ah oui, c'est ça, oui, l'incidence, ouais. C'est quoi la monnaie en Angleterre, vous savez ? L'euro ? Non. La monnaie ! La monnaie ? Ah oui, il y a le billet. Ah, c'est de la monnaie. Le ? Comment elle s'appelle, leur monnaie ? Les dollars. Non. Ça, c'est en Amérique. Et au Canada. Et au Canada. Ah, je ne sais plus. Ils l'ont dit et redit. Hein. Les singes. Les shillings. C'est vous. Non. C'est la livre sterling. Oui. Allô ? Ah, j'en sais rien. Les francs. Non. Européens. Oh ! Européens. Ils sont retournés à l'âge de pierre. Européens. Les francs. Alors, les francs, c'était la monnaie qu'il y avait avant l'euro en France. Les francs ? Oui, c'était les francs. On payait en francs. Et même avant, il y avait les anciens francs. Oui. C'est les francs, alors, en Angleterre. 1 euro, aujourd'hui, ça représente 6 francs 50 d'avant. 6,55 €. Oui, oui, non, mais c'est pour dire quand même que on a perdu, hein, quand même. Ah bon, c'est pas avoir un bon. En passant l'euro, enfin bref. Oui, alors, donc, on est à l'Angleterre. Quelle est leur monnaie ? C'est bien de le savoir. Hein, Europe. C'est l'Europe, voilà. Leur monnaie, c'est l'Europe. Ils ont quitté l'Europe, mais leur monnaie, c'est l'Europe. Voilà. Les shilling. Non. Non. Oh ! Ça commence par L. L. C'est le même nom que tu te sers pour... Lunettes. Livre. Les livres. Ah. Livret. Livret. Non, c'est pas... Les livres. Livre. Livre, quelque chose. Les feuilles. L'ouvre. Non. Livre. Quelque chose. Livre. Je sais pas. Livre la couronne. Non. Pas. Ah, ça m'énerve. Livres, les livres. Oui, mais les livres, quelque chose. Les livres, je suis sûr que vous avez déjà entendu, hein. Mais voilà, il faut le temps. Les émissions anglaises, oui, j'ai déjà entendu, mais j'arrive plus à me rappeler. Livre-le. Livre-le. Dis-moi notre lettre, Marion. Hmm? Dis-moi notre lettre, Marion. Là, parce que... S. S. S-E. Saute. Livre-se. Quoi ? Tu dis quoi, Nicolas ? 7. Il veut 7. Camille. Gabriel, t'as une idée ? Non. 500 livres. Oui, mais... 500 livres. 7. 500 livres. ST. Livre. Livre ste. Stein. Quelque chose. Stein. Ah, ça veut dire ça. Qui dit mieux ? Ah, Ster. Je dis que sans plus. Ster. Ster. Livre ster. Livre stette. Stette. 500 livres. Non. Livre. Ster. Ster. Ster quoi ? Ster. Elle l'a dit, Camille. Ah, vas-y, Camille. Camille, dis-le plus fort. Dis-le. Oh, bah si. Aide-nous, hein. Camille, tu dois les aider. Aide les bafouille. Garçons. Vas-y, aide les garçons. Ling. Les ling. Livre, ster. Ling. Oh, là, c'est compliqué. Alors, est-ce que vous aviez déjà entendu ? Non. Si on nous a pris avec maîtresse quand on a parlé de l'Angleterre. Elle m'en rappelle plus, moi. Hein. Je ne me rappelle plus, voilà. Peut-être que ça ne t'intéressait pas trop. Alors, par rapport à la monnaie, est-ce que vous savez lequel est le gagnant ? La France ou l'Angleterre ? La France. Quelle est la monnaie qui vaut le plus sur le marché ? La France. L'Angleterre. France. Les deux. La France. L'Angleterre. C'est l'Angleterre. Bah, il me semble, hein. Moi, j'ai entendu ça. Alors, hein. Ça, je sais pas. Ouais. J'ai pas... Puis, ils sont gagnants. Bah après, bon, ça ouais. M'étonnerait pas. De toute façon, ils ont pas pris l'euro, donc c'est peut-être pas pour rien non plus. Ouais. Ouais. Bah, oui, hein. Donc, la livre sterling. Oui, bah oui. Oui, clairement. 0,85. Ah, donc, ça veut dire que les Anglais, quand ils vont venir ils font ce qu'ils veulent pour travailler, il va leur falloir quoi? Des euros. Non, mais ça... Pour travailler. Un permis de travail. Pareil que les Français qui travaillent en Angleterre. Ouais. Et du coup, il y a beaucoup de Français qui vivent en Angleterre qui vont demander la double nationalité aussi. Oui. Je préfère revenir en France. Ouais, voilà, c'est un vaste sujet, mais c'est important d'être un petit peu au courant de ce qui se passe aussi en dehors des frontières. Hein. Alors ensuite, les infos, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Attends, Chris avait quelque chose à dire. Ah, pardon. Pour la petite anecdote, 1 euro, ça vaut 0,85 livres sterling. Ah, donc nous, on est plus haut. Donc les Anglais sont perdants. Ah oui, on va les narguer. Oh, pff. Christopher... On va montrer des pièces, on va faire... La, la, la, la. Ouais, bon. Alors, les autres infos. Merci Christopher, hein, vous voyez, moi j'étais un peu à sens contraire là. Alors, c'était Nicolas. En cours plein d'infos. Tu nous as parlé de... Un feu. Oui, alors le feu. Alors déjà, c'est pas en Corée du Sud. Hein. En et Corse. En Corse, voilà. Alors. Le feu, en Corse, terminé. L'info est terminée. Est-ce qu'ils font ça à la télévision? Non. Le feu, en Corse... En Corse, c'est les 3000 hectares en Corse. Voilà, il y a eu beaucoup d'hectares. C'est à cause du vent qui a été lancé à 180 km/h. Oui, il y avait des grands vents. Est-ce que tu te rappelles du nom de la tempête? Ah, j'ai Irma. Plus. Non, c'était pas Irma. Irma, il y a quelques années. Je sais plus. C'était R... Hervé. Hercule. Hercule. Non, il a raison, Nicolas. Hervé. Voilà, très bien. C'était la tempête Hervé. Puis aussi, le jeu des maisons qui a été brûlée aussi. Ah bah oui, il y a eu des maisons brûlées. Puis aussi, ils ont même pas pu lancer les canadiens. Tout le monde avait mis trop de vent. Oui. Alors, comment ils ont éteint le feu? De l'eau. Ah bah oui. Ça... Ouais, de la terre chaude. Oui. Et puis, qui sait? Alors, c'était au sol. S'ils n'ont pas pu envoyer les canadaires, ça s'est fait au sol. Au sol. Ouais, à tes pompiers. Voilà, les pompiers. Ouais, et puis aussi, c'est même de protéger une maison aussi. Ils avaient mis un camion pour protéger la maison. Et puis alors là, est-ce que l'incendie s'est arrêté? Non. Non. Ça continue. Parce que le vent, ça lance les flammes. Bah, moi, j'avais entendu que le feu était maîtrisé, mais que par contre, il y avait encore beaucoup de vent. Donc le vent, il peut faire mieux revenir les flammes. Bien, Nicolas. Il peut de nouveau attiser le feu. Bah oui. Ils ont aussi même envoyé des camions d'Afrique. Les camions de pompiers. Il n'y a pas de camions d'Afrique. Les camions de pompiers d'Afrique. Oui, les camions de pompiers. Bah, dis donc, le temps qu'ils arrivent, la Corse, il n'y en aura plus. Hein. Ça va cramer l'Afrique. Alors ça, moi, j'ai pas entendu ça. Hein. Il n'y a pas de camions d'Afrique. Alors, ils viendraient comment? Par bateau? En bateau, hein. Ah, alors, écoute, on va demander en technique, parce que alors là, l'info là... Alors, vous savez qu'il y a... Un feu en Corse. Incendie en Corse. Bon, moi, j'ai entendu que le feu était maîtrisé, mais qu'ils étaient quand même en alerte orange. Les camions s'il vous plaît. En alerte orange pour les vents. Ouais. Et alors, Nicolas nous dit qu'ils ont fait appel à des pompiers africains. Ils doivent venir d'Afrique pour éteindre le feu. Je lui ai dit, ils sont pas prêts d'arriver. ça dépend d'où d'Afrique, parce que l'Afrique est pas très loin de la Corse. Oui, mais néanmoins, ils auraient peut-être pu trouver plus près, quoi. Enfin, ils vont par hélicoptère. Alors, ça me paraît... Écoute, c'est à vérifier, Nicolas, mais moi, j'étais pas au courant. Qui c'est sur le coup? Je vérifie. Oui, non, voilà. Ils ont pas de camion en Afrique. Ils n'ont pas de camion en Afrique. Mais comment vous, là, mais j'ai un feu en Afrique. Mais tu sais, il y a plein de pays, là, en Afrique. Hein. Il y a l'Algérie, le Maroc... Alger. Vous vous rappelez quand Alger aussi. Mais oui. Ils sont pauvres, ça, les Africains. Comment? Ils sont pauvres. Oui, alors, ils n'ont pas de quoi éteindre les incendies. Ça, ils font mettre de la terre. Bah, si, quand même. Bon, je crois que Christopher, il n'a pas trouvé... Une enquête. Allez. Bon, allez, la dernière info. Agression. Là, de Nicolas. Agression. L'agression. Paramilitaire. Qui est sorti là, de nuit là. Un jeune militaire qui a agressé. 19 ans il avait. Oui, il a agressé qui ? Un gendarme. Pendant la garde de nuit. Pendant la garde de nuit. Alors, est-ce que tu te rappelles, c'était où ? Ah. Je sais même plus. Adieuze. Voilà. À Strasbourg. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Il est mort, hein, le jeune. Non, il est pas mort. Ils l'ont buté. Ils l'ont tué. Non, il est pas mort. Il est vivant. Donc là, pour l'instant, il y a une enquête. Arrêté. Bah oui, il est arrêté, heureusement. Garde à vue. Voilà, donc il y a une enquête, donc on va pas polémiquer. On laisse faire le travail. La police. Voilà, et les personnes gendarme. Concernées. Voilà. Donc les infos, c'est... Fini. Terminé. Voilà. Donc on va faire la première pause avec la chanson... Plouf, plouf. Camille. Camille ou Gabrielle ? Tani. Camille. Ok, alors Camille, c'était quoi ? Tu veux bien te redresser, Camille ? On dirait que tu vas faire la sieste. À ton petit doudou. Quelle était ta chanson ? C'est la qui ? 15. Alors je te pardonne. Voilà. Je pardonne. C'est qui chante ça ? Ah. Qui c'est qui chante ? Maître Gims. Voilà, donc c'est la chanson de Camille. La Camille. C'est dit quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai cru que c'était Vita Slimane qui sentait ça, je te pardonne. Vita Slimane ? Oh, je vois. Il y en a eu une de Vita Slimane. Ah, je te pardonne. Oui. Non, c'est je te le donne. Ah, oui. Ah, bah, c'est pas pareil. J'ai cru. Allez, la chanson de Camille. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les draps. Je donnerais tout pour être dans tes bras. I forgive you. voilà la chanson de Camille, Je te pardonne, de Maître Guy. Donc on va reprendre et tout de suite par rapport aux pompiers africains qui étaient censés aller en France. Les pompiers. Donc après vérification, n'inquiétez pas. Par Christopher, non, il n'y a pas de pompiers, pompiers africains en Corse. Ils ont envoyé des moyens de secours. Voilà, ils ont fait appel aux moyens du continent, d'accord ? Apparemment, il a même aussi, le chef des pompiers, il a dit aussi que ça s'est passé au mois de janvier puis au mois de février. Oui, mais l'incendie aussi. En Corse, c'est là, dans ce moment. Oui, mais c'est voilà, ce qu'il a dit. Hein. Avant de parler du gros sujet du jour, hein, c'était quoi que ça ? Triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes. On va un petit peu parler avec Gabriel. Hein. Gabriel, tu te redresses pour parler dans le micro. Et tu voulais nous dire que ton cher papa, en ce moment, il n'est pas là parce qu'il est où ? Kralale. Il est parti travailler, mais il est où ? Sympa. Bah, tu l'as dit juste avant. Tu nous as dit Atier. Saint-Atier ? Atier. Ouais, donc il est parti, et puis alors, qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Saint-Atier, c'est en Dordogne, hein, je vous avais dit. C'est loin. Pas tout près, ouais. En avion. Qu'est-ce qu'il fait là-bas, papa ? Il est en vacances ? Oui, il est en vacances. Mm. Ben, il va être content d'entendre ça. Hein. Il est en vacances. Non, il travaille. Mm. Ton papa, il est dans une école de gendarmerie à Saint-Atier parce qu'il est instructeur. Mm. Je te rappelle que ton papa, il était venu ici ? Et à toi, s'il te plaît. Là ? À toi. Tu ? Il y a un papa, à toi. Oui, il est venu ici, ton papa. Ah, tu voudrais qu'il revienne ? Mm. Ah oui, mais il ne peut pas revenir comme ça tous les 6 mois, hein, tu sais, il a son travail aussi. Il claque les doigts. Hein. C'est déjà très bien qu'il soit venu une fois. Mm. Au moins, il a expliqué son travail à tout le monde. Mm. Hein ? Oui. Donc, tu nous as dit aussi qu'il revenait bientôt. Mm. Quand ? Lundi. Pour les vacances. Oui. Mm. Donc le 22, 23 février à peu près. Oui. Tu es content ? Oui. Parce qu'il sera là pour les vacances de février ? Oui. Mm-hmm. Et puis tu voulais nous dire aussi que ce matin, maman, elle allait chercher... Un tous. Elle était en course pour chercher quoi ? Mm. Manger. Mais quoi manger. Sur... Dessin. De quoi dessiner ? Les frites. Ouais. Et puis quoi ? C'est tout là. Du chocolat. Dis bien dans le micro. Chocolat. Du chocolat. Et puis quoi ? Dessin. Oui, de quoi dessiner ? Alors, des feutres, du papier ? Oui. Ouais. Alors, comme Nicolas a dit, là, est-ce qu'elle va acheter des frites, maman ? Non. Non. Ah ! Non, Gabriel, les frites, il va les manger... à côté, là, au McDo. Mmh. Hein, voilà, il y va en direct. Au McDo. Oui, on fait pas de pub, s'il vous plaît. Hein. Et puis alors ? Donc, après-midi, ça va être ça ? Tu vas dessiner, tu vas manger du chocolat. Oui. Il va se remplir un bidon. Ça ? Oui. Ah, mais là, il faudra manger à midi, là, tout à l'heure. Il va manger. Hein, Gabriel ? Oui. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Gabriel ? Visite. Ouais. Donc, tu veux entendre ta musique, c'est ça que tu dis ? Oui. Alors, on va passer un contrat, Gabriel. Si tu es sage, le temps qu'on parle du triangle des Bermudes, tu auras ta musique. Oui. Par contre, si c'est le contraire, il y aura plein de musique. Hein. D'accord ? Donc, on se calme. Hein. Coupe le micro, sinon... On est d'accord ? Non, non, non. Il n'est pas question de couper le micro. Gabriel, il est capable de se tenir. Ça, il s'est quand même mis à faire du bruit. Alors, écoute bien ce que tes copains ont à dire sur le triangle des Bermudes. Ouf, ouf, ouf. Alors, Christopher, c'est toi qui as apporté le sujet, qui avait envie d'en parler. Donc, on va écouter. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, déjà ? Le triangle des Bermudes ? Oui. Parle bien dans le micro. C'est quoi ? C'est de la mer. Oui. Ça se situe à peu près où ? Les Bermudes. Oui, oui. Oui, mais ça forme quoi ? Un triangle. Oui. Entre quoi et quoi ? La Floride. Ouais. Je sais plus là. La Méditerranée. Méditerranée. La Méditerranée. Non. Pas en Floride, t'as déjà un point du triangle. Voilà. Floride. Mmh. Ah oui. Je sais plus de nom là. Ah, c'est plus les autres trucs, les autres îles. Alors, c'est que la Floride. Bah, il s'appelle comment? Triangle des Bermudes. Eh ben. Ah, les Bermudes. L'île des Bermudes. T'as un deuxième point. Et le troisième? Ah, c'est plus l'autre île là. Alors. Ça écrit. La Floride, les Bermudes. Plus au sud. Au sud. Porto. Pordico. Ortopédico. Porto-dico. Porto-dico. Bien, Christopher, voilà. Et les continents, là, qui sont au-dessus et en dessous, c'est... Au-dessus, il y a les États-Unis, en dessous, il y a le Brésil, et puis justement, l'Afrique. Ça se trouve dans le coin, là. Et puis l'océan, c'est quoi, on avait dit? Méditerranée. C'est pas la Méditerranée, non. En Floride. Non, l'océan. L'océan. Comment il s'appelle? Non, c'est pas... Abus. Abus. Abus. Ok, Abus. Atlantique. La cité d'Atlantique, elle avait coulé, là. Non, mais tu parles trop vite, on comprend pas. La cité d'Atlantique, elle avait coulé, là. Oui, alors, donc... Parle trop vite. Est-ce que tu veux lire un petit peu, Nicolas? Ouais. Alors, vas-y, on t'écoute. Pour bien ouvrir les oreilles. La zone géographique que représente le triangle des Bermudes est très fluctuante selon les récifs rapportés et les considérations des arrivants. Ça, Corinne. Vas-y, Nicolas. Écrivains qui ont décrit les mystères liés à cette zone géographique selon les autres. La zone. Les auteurs. La zone vers. Varie 500 000 à. 1,5 million de kilomètres carrés, ce qui influe sur le nombre de disparitions qui ont à. Qu'on y rapporte. Ah, c'est bon, ça, c'est pas la peine, on a parlé. Donc, merci Nicolas, c'était très bien. Donc, vous avez compris que la zone, elle est énorme. Énorme. Alors, dans ce fameux triangle, qu'est-ce qu'il y a? Des bateaux. Bien. Les avions. Qui ont coulé. Ils sont fait emporter. Ils ont disparu. Oui. Sans laisser de traces. Alors, ça fait très longtemps qu'on en parle de ce fameux triangle des Bermudes. Depuis un siècle. Bah, ça fait très très longtemps. Hein. 3 milliards. 3 milliards d'années. En 1925, ils en parlaient déjà. Mais sûrement encore avant. Hein. Parce qu'il y a eu beaucoup de disparitions de navires, d'avions. Et ils se demandent, pourquoi? Comment? Alors, est-ce que vous avez des idées? Du pourquoi il y a des avions, des bateaux qui disparaissent dans ce fameux triangle? Il peut y avoir plein de trucs. Hein. Voilà, il peut y avoir plein de trucs. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez comme idée? Des poissons. Les poissons. Ah, alors, ce seraient les poissons. Qu'est-ce qu'ils font, les poissons? Ils disparaissent, hein? Non, mais pas les poissons, on parle des navires et des bateaux. Des avions, pas des poissons. Oui, alors qu'est-ce qui peut se passer pour qu'ils disparaissent là? Un trou noir. Ça, c'est une de tes idées. Ok, oui. Ensuite? Une tornade. Tornade. Ça veut dire qu'il y aurait en permanence une tornade au triangle des Bermudes. C'est ça, tu dis, Nicolas? Ouais. C'est une idée. Ensuite? Une machine qui a été créée pour une civilisation ancienne. Alors ça, il faut que tu le dises dans le micro, Christopher, on n'entend pas. Une machine qui a été créée pour une civilisation ancienne. Alors, il y aurait eu une machine qui aurait été créée par une civilisation ancienne. Oui. Alors, elle serait comment, la machine-là ? C'est rien, j'ai jamais vu un. Oui, mais pour que les avions et les grosse. Disparaissent... C'est grosse. Une grosse comment machine. Voilà, mais elle ferait quoi, la machine-là ? Elle détruirait le système électrique. Ah. Donc, tout ce qui est compas et tout ça, tout ce qui est l'équipement qu'ils ont dans les bateaux et les avions, oui, ça dérèglerait ? Oui. Et puis après, les bateaux et les avions, ils iraient où, alors ? Ils tomberaient dans la mer. Ils tomberaient dans la mer. Ou disparaisseraient. Ouais. Donc ça, c'est une autre idée. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme idée ? Oh, j'ai essayé de croire. Camille, est-ce que tu as une idée ? Les bateaux de pêche. Non. Gabriel ? Non. Non ? Les bateaux de pêche. Oui, les bateaux, les avions, mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire que dans ces endroits-là... Les hélicoptères. Oui, mais ça fait partie des... Oui, les objets volants, oui. Oui. Une faille dans l'espace-temps. Ah, une faille dans l'espace-temps. Mmh. Et puis ? C'est bien, hein ? Allez-y, hein ? Donnez, toutes vos idées. Ou ce que vous avez lu, ou voilà, pour transmettre aux auditeurs. Extraterrestres. Les extraterrestres. Donc, ça veut dire qu'ils seraient sous l'eau ? Peut-être, ou peut-être pas, hein. Peut-être ou peut-être pas. Chris, il a une théorie. Ah. Ouais. Il n'ose pas la dire. Alors écoutez. Ou alors ça peut être des trous marins. Des trous marins. Mais alors. Qu'est-ce que c'est les trous marins ? Ouais, c'est un gros trou dans l'eau. C'est un trou noir dans l'eau. Voilà. Tout c'est à fait. T'as un gros trou dans l'eau. Un trou noir peut créer une tournée de quai dessus. Je sais pas ce qu'il y a au fond, donc peut-être que les bateaux ils sont aspirés par ça. Ou... Et les avions aussi ? Ça par contre pour les avions, j'ai pas encore de théorie. Mais une tournade. Ouais, mais les tornades. Ça peut inspirer, hein. Sans cesse, peut-être pas. Mais voilà, pour les bateaux, peut-être les trous marins, c'est possible. Après, je. Voudrais aller voir. Ah, ouais. Alors tu pourrais peut-être y aller voir pour nous, Christopher, hein. Moi, je vais pas. Mais j'ai pas de bateau, moi. Oui, mais si tu avais un bateau, est-ce que tu irais ? Oui. Tu irais. Ah oui. T'aurais pas peur de te faire aspirer ou je sais pas quoi Non. Le malade. De quoi ? Je prendrais une caméra, je prendrais une vidéo, hop. Alors, il y en avait d'autres qui avaient parlé aussi de récifs. Vous voyez, de rochers et tout ça qui pourraient être en mer et que les bateaux se seraient heurtés aux récifs. Et puis... Mais ça n'explique pas les avions. Ah oui, les avions. Voilà, donc il faut encore chercher. Alors, à votre avis, est-ce que c'est vrai ? Peut-être pas, peut-être bien. Peut-être pas, peut-être bien. En attendant, toute la liste là des disparitions de bateaux et d'avions, ils sont quand même bien quelque part. Ah oui, hein. Donc il y en a qui disaient aussi que, vous savez, le thermomètre, ce qui indique la latitude et tout ouais. ça, au moment où les bateaux et les avions arrivaient là, il ne fonctionnait plus. Oui. Ça fait qu'il perdait tout repère. Ah, que pour... Et que souvent, les avions, ils s'écrasaient. Dans l'eau. Et puis les bateaux, ils n'arrivaient plus à voir là où il y avait des récifs ou des dangers. Ça fait qu'ils coulaient. Mm. Mais il y a peut-être d'autres choses. Ouais, à creuser. À quoi ? À creuser. À vérifier. À quoi, tu dis ? À vérifier. À vérifier, oui. Aller voir, c'est un trou marin, voir s'il y a des bateaux dedans. Ouais. Après, est-ce qu'il y en a encore qui vont pour étudier... Les sous-marins. Ce qui se passe sous l'eau, là. Les sous-marins. Est-ce qu'il y a encore des recherches actuellement ? Non. Alors comment ils vont savoir ce qui s'y passe ? On a une équipe. Ils l'ont fait plus d'une fois, Christopher. Sans jamais revenu. Oui. Vous avez d'autres idées ? Non, pas encore. Après, ça pourrait être un endroit étrange. Je disais une faille aussi. Des éruptions comme ça sous la mer. De volcanique. et puis qui font que leurs instruments, l'attitude, machin, tout ça, se dérègle complet. Et puis, je sais pas, hein, moi, je en marine, je suis pas très douée. Mais vous avez d'autres idées? Non. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est des inventions, des mensonges, qu'il y a eu beaucoup d'histoires de raconter pour alimenter le mythe, pour que les gens ils y croient encore plus. On a convaincu des gens de la voir. Il faut envoyer des gens voir. Voilà, on va voir s'ils reviendront un jour. Hein. Eh ben, Christopher, il faut que tu montes une équipe, hein, pour aller voir. Mais c'est trop jeune. C'est trop jeune. Oui, mais tu aimerais faire partie de l'expédition. Ah oui. Ah oui. On va te faire emporter. Bon, après, il y en a d'autres qui disent, tu vois qu'il y a des avions, tout ça, qui ont disparu parce qu'ils sont tombés en panne de carburant. Yes. Bon, c'est un peu limite, non? En général, tu prends un avion, tu veilles à ce qu'il y a assez de carburant, non? Ah oui, hein. Ouais. Donc, une voiture. Il y en a qui disent qu'il y a beaucoup de tempêtes, hein, dans ce triangle-là, et que souvent, voilà, les avions et les bateaux qui passent là, ils ont peu de chances de s'en sortir. Ah, Christopher a une autre idée, Marion? Ah non, non. Non, non. Et vous? Non. Non. Donc là, finalement, on n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui. Hein, on a donné un peu toutes les hypothèses qu'il y a par rapport à ce triangle des Bermudes, mais on ne sait pas vraiment. Oui. Hein? Donc, on ne fait qu'entretenir le mythe, là. Oui. Hein? Ça fascinera encore les gens, encore, pendant des longues années. Ça va fasciner les gens. Comme toi, par exemple. Oui. Hein, tu adores ça, toi. Oui. Tu es intrigué. Bon, et ben on clôture avec le triangle des Bermudes. T'as pas dit les noms, qu'est-ce qui tous les bateaux qui avaient disparu? Non, on va pas faire. Deux, trois. Non, parce que j'avais promis à Gabriel qu'il aurait un extrait de sa musique. Donc on est correct et on respecte Gabriel. Le contrat. Okay. D'accord, Gabriel? Alors on va écouter un extrait de la chanson de Gabriel. Merci à vous. Comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé? Je sens que la journée promet d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer. Je ne peux plus porter cette solitude, tu me manques, je n'ai plus personne à qui me confier. Je passe mon temps à regarder par la fenêtre et je ne te vois toujours pas entrer. J'en perds mes mots, que vais-je devenir? Je garde espoir de te revoir dans un proche avenir. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Les souvenirs ne cessent de me hanter. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Ça fait si longtemps que j'attends que tu rentres, mais de ma mémoire tu disparais. Je t'attends comme si t'allais rentrer. Tu vas me manquer, tu vas me manquer. Encore toute une nuit à rêver de ton retour, mais le réveil me replonge dans ce cauchemar. Sans toi, je m'ennuie, je souris quand je pense aux discussions qu'on avait matin et soir. Je pense tellement à toi, parfois j'ai l'impression d'entendre le son de ta voix. Plus les années passent et plus je réalise à quel point j'avais de la chance de t'avoir. Tout semble faux, j'en perds. absence, je t'attendrai encore, encore et encore. J'attendrai que tu rentres. C'était pour Gabriel. Tu es content? Oui. Super. Eh bien, écoutez, il faut rendre l'antenne. Donc, la semaine prochaine, ce sera une spéciale pour Christopher. Hein? Donc, on va préparer nos questions en nombre lundi. Hein? D'accord? Un tout petit peu d'infos. Bon, on verra bien. Hein, mais une grosse info. On va se concentrer sur Christopher. Hein? D'accord? Ok. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une bonne semaine à tous et à mercredi prochain. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.